Noyé dans le flot des vacances à Ibiza du ministre de l'Éducation nationale et des annonces de la fin de quelques restrictions en pleine vague Omicron, une déclaration du président de la République est passée relativement inaperçue du grand public. Emmanuel Macron a déclaré que pour faire face à la concurrence internationale, on ne pourrait pas continuer longtemps avec des études supérieures qui ne coûtent rien ou presque et essentiellement financées par l'État. Ce sera notre débat de la semaine. Nous parlerons également de la prévalence des maladies auto-immunes chez les femmes, des ailes de poissons volants et leur histoire dans l'évolution et du cœur battant des étoiles. Place de l'université, maladies auto-immunes, poissons volants et cœur stellaire, c'est le programme riche qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme lumineux, océanique, solaire et présidentiel, une équipe qui ne l'est pas moins, lumineuse, océanique, solaire et présidentielle, quoi que cela signifie, je ne sais pas, je vous laisserai le décider vous-même. Cécile Lestienne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Philippe Pageot. Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Rédacteur en chef du trimestriel La Recherche et nous sommes en ligne avec Pierre Kerner, bonjour Pierre. Bonjour. Le site Strange Stuff and Funky Things, Moi Parasite, c'est chez Belin, Nature Secrète, avec le camarade Patrick Beau, qui était à ce micro il n'y a pas moins de 15 jours. C'est chez Duno, mais on commence par celle dont le cœur battant ne bat que pour l'actualité scientifique, et ce n'est plus à prouver, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour Nicolas. Ah bah oui, bonjour quand même. Et on commence ce journal à distance avec une étude parue hier dans la revue American Journal of Transplantation, une greffe réussie de rein de porc chez un être humain. Oui, face à la pénurie d'organes, la xénotransplantation semble être une solution. Alors cette opération historique, c'est la deuxième du genre. En 2021, aux États-Unis, un homme en état de mort cérébrale a reçu deux reins de porc et il n'y a pas eu de rejet hyper aigu. Durant 77 heures, les reins se sont montrés fonctionnels et ont produit de l'urine. La précédente expérience n'avait duré que 54 heures. Alors ces organes, ils proviennent de porcs génétiquement modifiés par l'entreprise Revivicor. Avec la technique CRISPR-Cas9, 6 gènes humains ont été ajoutés à leur génome et 4 gènes porcins ont été désactivés, hein, ceux qui sont responsables de la réponse immunitaire humaine. Alors aucun signe de cellules porcines ou de rétrovirus porcin n'a été trouvé dans le sang du receveur. De plus, les reins de porc peuvent résister à la pression artérielle, qui est plus élevée chez nous. Donc, suite à cette étude, un essai clinique devrait avoir lieu cette année. Et nous consacrerons prochainement une émission entière à cette question passionnante des xénogreffes, suite notamment à la greffe d'un cœur de porc sur un receveur vivant cette fois-ci. On en reparle très bientôt dans la méthode scientifique. En bref, Natacha, une étude parue dans la revue JAMA Network Open, plus de 60% des effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 ne sont peut-être que des effets placebo. Ou nocebo en l'occurrence. Oui, ou plus exactement, un effet nocebo. Alors la puissance positive de l'effet placebo a déjà été prouvée, et son revers, c'est l'effet nocebo. Des chercheurs américains ont analysé les données de 45 000 patients lors des 12 essais cliniques de vaccins contre le Covid-19. Alors, lors de ces essais, un groupe placebo ne reçoit qu'une solution saline. Après la première injection, 46% des patients vraiment vaccinés ont signalé des effets indésirables, maux de tête et fatigue. Et dans le groupe placebo, 35% des patients ont signalé ces mêmes effets. Alors selon l'analyse de l'équipe, en recoupant les ratios entre les deux groupes, les deux tiers des effets secondaires des vaccins seraient causés par l'effet nocebo. Selon les auteurs, ce dont nous pouvons avoir le plus peur, ce n'est pas de la vaccination, mais de notre propre appréhension. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude tout fraîchement sortie des laboratoires français. Aujourd'hui, une étude parue dans la revue Communication Biology, étude qui décrit une méthode pour évaluer la biodiversité d'insectes d'une forêt. Mais les forêts souffrent de plus en plus du changement climatique et on sait que la gravité et que la durée des sécheresses estivales vont augmenter. Alors, quelles en sont les conséquences sur la biodiversité d'insectes ? Alors, cette équipe française a donc prélevé de l'ADN environnemental dans une forêt de sapins dans les Pyrénées, et plus de 200 échantillons ont été analysés grâce à la technique du métabarcoding ADN. Alors, le métabarcodage a récupéré des séquences génétiques de milliers d'espèces. Les chercheurs montrent ainsi que le dépérissement des arbres bouleverse la biodiversité des forêts, qu'il y a des espèces gagnantes et des espèces perdantes, en particulier pour les espèces rares, et que ces bouleversements peuvent avoir un impact important sur des services écosystémiques tels que la pollinisation ou la décomposition. Également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, les physiciens viennent de battre un record. Ils ont gardé une bulle intacte pendant plus d'un an. Une bulle de glycérine et d'eau qui a conservé sa forme pendant 465 jours. Alors pour rappel, la durée de vie d'une bulle de savon est de moins d'une minute. Les chercheurs ont réussi à défier la gravité, l'évaporation et les contraintes atmosphériques grâce à des billes à gaz, un mélange de matériaux aux propriétés physiques et chimiques étonnantes. Cette semaine, des chercheurs ont inventé des micro-robots capables de soigner les fractures osseuses. Testés sur un os de poulet, ces micro-robots hybrides, faits de matériaux biologiques et synthétiques, peuvent changer de forme via des influx électriques avant de se minéraliser sur l'os. Et enfin, cette semaine, on découvre que la trompe d'un éléphant est la partie la plus sensible de son corps. Après des dissections, des chercheurs ont découvert que le réseau de nerfs qui contrôle cette trompe contient 400 000 neurones. C'est plus que pour le nerf optique. Cela suggère que ce membre est doté d'un système tactile incroyablement précis et que la trompe des pachydermes est peut-être plus sensible encore que les moustaches de rongeurs ou que le bout de nos doigts. Et on termine ce journal des sciences de la semaine, comme chaque semaine, par notre rubrique de la gênance scientifique, ou plus exactement la rubrique des sciences improbables, Natacha. Une start-up américaine souhaite développer des saucissons de synthèse avec des cellules de célébrités. Oui, c'est techniquement possible. Mais oui, c'est... Bite Lab, c'est une entreprise de viande in vitro, travaille en ce moment avec des bio-ingénieurs et des designers alimentaires pour développer leur celebrity meat, littéralement la viande de célébrité. Alors, le procédé est simple, il s'agit de prélever par biopsie des cellules souches d'une star, alors qui accepte de finir en saucisson, de cultiver ces cellules en laboratoire afin d'obtenir autant de viande que vous le souhaitez. Alors, Bite Labs a d'ores et déjà imaginé une recette, le salami saveur Jennifer Lawrence, avec, je cite, des notes de miel et épicé avec du zeste d'orange et du gingembre. Et donc, le cannibalisme, c'est possible grâce à la science. C'est le cannibalisme heureux et imbécile. Vraiment, merci beaucoup, Natacha. Vivement un petit pâté de Natacha Triou pour l'apéro du vendredi. Allez, bon week-end, soignez-vous bien et à lundi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. L'actualité scientifique cette semaine, c'est également cette déclaration passée relativement inaperçue du président de la République dans le brouhaha médiatique au 50e anniversaire de la conférence des présidents d'université. Ça se passait jeudi de la semaine passée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le président y a lâché une déclaration qui a fait l'effet d'une petite bombe l'air de rien à propos de la nature et du financement de l'enseignement supérieur en France. Je vous laisse écouter. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Que si nous ne réglons pas ces problèmes structurels, nous nous mentirons à nous-mêmes. Voilà, peut-être découvrez-vous cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il est vrai qu'elle n'a pas été énormément couverte par les médias. Pourtant, elle a fait beaucoup réagir dans le milieu universitaire. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l'argent public que n'importe où dans le monde. Eh bien, quoi que l'on pense à titre personnel de cette déclaration du président de la République, il faut bien reconnaître que le système universitaire en France est est singulier, qu'il est régulièrement remis en cause, notamment au regard des classements internationaux qui ne le font pas figurer en bonne position. Est-ce que ce n'est pas, Cécile Lestienne, le premier coup de boutoir contre le modèle de l'université gratuite en France? Il est souvent dénoncé, d'autres avant l'ont fait, Nicolas Sarkozy notamment, plutôt à l'échelle à droite de l'échiquier policier, policier, intéressant comme lapsus, politique. Est-ce que, effectivement, cette singularité du système français montre ses limites? Est-ce qu'il faut revoir cette conception d'université où, comme le dit ce gouvernement régulièrement, hein, Frédéric Vidal nous l'avait dit même à ce micro, le chiffre que le gouvernement annonce, même s'il est contesté, c'est 60% d'échecs au terme de la première année universitaire. C'est quand même qu'il y a un problème qu'il faut régler, Cécile Lestienne. Oui, alors je vais commencer par dire que je suis journaliste scientifique depuis un certain temps, voilà, mais que la politique de la recherche, la politique scientifique et la gestion de la recherche, ce n'est pas ma spécialité, donc ça va poser quand même les limites de mes propos. Mais bon, comme je traîne mes guêtres dans le milieu de la recherche depuis un certain temps, je suis quand même capable, je crois, de voir la complexité de la question. C'est-à-dire que je me méfie un peu des positions très simples, voire simplistes sur ce sujet-là. Mmh. Et surtout, cette idée qu'il faut se focaliser sur cette question du prix et du coût pour les étudiants, qui est une question. Je ne dis pas que ce n'est pas une question, mais elle n'est pas... C'est comme un grand puzzle. Le problème de l'université en France et de la recherche, au sens encore plus large, est un encore plus grand puzzle. Et se focaliser sur une pièce du puzzle sans regarder les autres, et à mon avis, pousse à une mauvaise interprétation, donc à de mauvaises solutions peut-être. Voilà. Je n'ai pas les solutions, puisque je l'ai dit, je ne suis pas experte, mais je pense vraiment qu'il faut faire très très attention à ça. Et voilà. Et donc, cette question de financement, on l'entend poser depuis très très très très longtemps. Alors, il y a une question du prix, mais de toute façon, ça a un coût, même si ça n'a pas de prix pour l'étudiant, c'est évidemment ça a un coût, donc qui paye? Quand on regarde les autres pays, on voit qu'il y a des systèmes très différents, avec les étudiants qui payent, l'État qui paye, le privé qui paye, et donc et ça ne montre, il n'y a pas d'un côté les pays qui font de la bonne recherche et les pays qui font de la mauvaise recherche en fonction de ça. Bien sûr, on peut préciser que ce coût justement par étudiant est en baisse constante depuis plus d'une quinzaine d'années et que c'est particulièrement sous le mandat de François Hollande qu'il a baissé le plus. Oui, c'est important. C'est pour ça de dire de penser ce problème indépendamment des clivages politiques. Mais absolument, absolument. Et voilà, c'est pour ça que il n'y a pas de solution simple et que, en plus, la question de l'accès finalement à l'université se pose aussi versus la question de la sélection d'entrée à l'université. Et voilà, alors je ne vais pas vous faire un tableau, ça serait beaucoup trop long, mais selon les pays, c'est aussi très différent et on ne peut pas le séparer. Il y a aussi le fait que la France, l'université en France est le produit d'une longue histoire. Il ne faut pas se focaliser sur aujourd'hui. Je répète beaucoup focaliser, désolé. Le fruit d'une longue histoire qui est liée aussi à l'instauration des grandes écoles, à l'instauration des prépas qui sont assez uniques dans le système éducatif, hein, dans le monde. Et voilà, qu'on peut remettre en question, je ne dis pas, mais pas comme ça d'un seul coup. Et puis aussi de l'objectif qu'on donne aujourd'hui à l'université. C'est quoi l'université? Et quand on parle avec des chercheurs universitaires, on voit qu'ils sont pas tous d'accord, hein, finalement. Est-ce que l'université, c'est fait pour faire de beaux esprits? Est-ce que l'université, c'est pour faire de bons professionnels, donc s'adapter au marché de l'emploi? Est-ce que l'université, c'est pour faire de l'enseignement ou de la recherche? Les deux. Enfin, les deux, évidemment, c'est dans leur mission, mais quel est le poids respectif de l'un et de l'autre? Voilà, c'est toute cette question-là. Qu'il faut poser dans une société qui a beaucoup bougé, notamment parce que beaucoup plus de jeunes aujourd'hui ont accès à l'éducation supérieure, ce qu'on ne va pas regretter, mais avec un fonctionnement qui est un peu obsolète du coup. Philippe Bajot, votre point de vue sur ce problème qui est effectivement très complexe, qui mériterait une émission, et on a déjà consacré un certain nombre d'émissions à la question de la politique de l'enseignement supérieur et de l'organisation de l'enseignement supérieur, mais il me semblait important qu'on revienne là-dessus parce qu'encore une fois, je trouve que cette information a été assez peu traitée dans les médias et notre regard collectif de journalistes scientifiques peut permettre de donner quelques clés sur cette question qui n'est pas une question à trancher simplement par un oui, par un non, par un blanc ou par un noir. Et effectivement, je ne trancherai pas la question, voilà, n'étant pas du tout spécialiste. Alors, sinon, vous allez vous faire embaucher au gouvernement. En fait. Je voudrais revenir juste sur une chose qu'a dite M. Macron, disant que la France avait un financement public plus fort que partout dans le monde, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Quand on regarde des pays comme la Norvège, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Suède, l'Allemagne, pour en citer quelques-uns, ils ont eu un financement public encore plus élevé que celui de la France. Donc, c'est pas la même sélection. Bon. Alors voilà, après c'est un problème qui est différent de sélection. Alors après, il est vrai qu'avec la massification de l'enseignement supérieur, avec le taux d'encadrement comme vous l'avez souligné effectivement qui a pas suivi, on arrive à ce problème de contradiction entre ce besoin de financement contraint par les finances publiques, hein, qui est un point politique. Alors je voudrais juste noter que ça, c'est quand même dans la Constitution, hein, cette gratuité de l'enseignement supérieur. Hein, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État, dit la Constitution. Alors après, quelle solution trouver pour effectivement améliorer ça? Le président Macron a parlé des droits d'inscription. Ça représente à peu près 270 millions d'euros de droits d'inscription en 2017. Avec des droits d'inscription qui sont de quelques centaines d'euros par étudiant. Où est-ce qu'on veut? Le problème, c'est vers où veut-on aller? Est-ce que si on passe à ces droits qui sont plus quelques centaines, mais quelques milliers d'euros d'inscription, effectivement, on peut récupérer 1 milliard, 2 milliards d'euros, qui pourrait aller à l'université. Après, au-delà, on a le danger d'arriver à des situations qui sont complètement inversées, comme le cas inverse, c'est par exemple les États-Unis, où la dette des étudiants, les étudiants sont obligés d'emprunter pour réussir, et où la dette est monstrueuse. Donc c'est quand même un problème. Et effectivement, je me souviens que Serge Haroche, en 2017, justement au moment de la précédente élection présidentielle, soulignait que pour parvenir à un bon équilibre entre enseignement de masse et recherche de qualité nécessairement élitiste, et en respectant les spécificités que vous soulignez, effectivement, Cécile, avec ces grandes écoles et ce système avec la langue issue de ces longues histoires des institutions, en fait, c'est pas quelque chose de simple, et qu'aucune proposition ne sera crédible si elle ne s'accompagne pas d'une augmentation de budget. Donc, augmentation de budget qui peut être obtenue par... Cécile Estienne, juste je reviens sur cette question du coût moyen par étudiant, qui est important parce qu'il est significatif, hein, le coût moyen par étudiant en France globalement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, et puis surtout en baisse constante. Hein. Il était encore en 2016 de 13 873 euros par an, il est de 11 530 euros par an. C'est assez paradoxal de voir que, est-ce que c'est lié finalement à ce système universitaire qui serait un gouffre sans fond, qui coûterait un pognon de dingue, hein, si on le traduit en langage macronien, et qui fait que cet argent investi n'est pas fructif, n'est pas rentable, je sais pas, c'est difficile d'utiliser ces mots, mais vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est le système qui absorbe cet argent, ou est-ce que simplement nous sommes un pays qui n'investit pas suffisamment dans ses étudiants et dans les cursus généralistes d'études supérieures, indépendamment évidemment des écoles privées? Moi je dirais que oui, il y a une question de budget, évidemment, ne serait-ce que de budget sur la recherche. Enfin, on l'a déjà dit, je crois, à ce micro plusieurs fois. On avait déjà dit il y a plus de 20 ans, au moment du traité de Lisbonne, qu'il fallait arriver à 3% du PIB. On n'y est pas. Même avec les projections, on n'y est pas. Enfin, l'Allemagne y est déjà, et eux prévoient de passer à 3,5% rapidement. Alors, c'est la recherche, donc c'est pas strictement l'enseignement supérieur. Mais oui, mais à part ça, le budget en soi, à mon avis, ne peut pas régler la question, parce que déverser de l'argent sur un système qui fonctionne pas... Donc après, c'est est-ce que le système ne fonctionne vraiment pas? Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un taux d'échec important. Et alors après, évidemment, la sélection ouverte à tous, c'est la possibilité à n'importe qui de pouvoir exprimer et de repérer des gens qui ne seraient jamais rentrés dans ce système autrement. C'est formidable. Mais à l'inverse, la solution, la sélection par l'échec, me semble assez décourageante pour beaucoup d'autres élèves. Donc voilà, juste pose les données, je tranche pas. Et donc c'est cette question-là. Mais et puis on peut toujours discuter aussi. On dit que un élève de prépa coûte une fois et demie plus cher qu'un élève de à l'université, par exemple. Ça se discute. Mais personne ne veut renoncer au prépa, donc Et surtout qu'un élève de prépa coûte effectivement un peu plus cher, mais c'est plus efficace à la fin, puisque le taux de réussite est bien meilleur. Donc, alors le taux de 60% d'échec en première année a été très très contesté. Hein. C'est le Frédéric Vidal et ouais. Emmanuel Macron en a reparlé. Hein, il reparlait de l'intolérable gâchis de l'échec en première année. J'aimerais entendre peut-être Pierre Kerner sur cette question et est-ce que le baromètre, qui est celui qui est aussi très fréquemment brandi par le gouvernement, qui est celui du fameux classement de Shanghai où la France se maintient avec une première université française, Paris-Saclay, à la 13e place. Et puis ensuite, on passe à la 35e place pour Sorbonne Université et 38e place pour Paris Sciences et Lettres. Est-ce que cette échelle, est-ce que ce classement a un sens? Est-ce qu'on doit se référer à ce classement pour évaluer la véritable valeur de l'enseignement supérieur en France? Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Moi, personnellement, je suis directement concerné par cette question. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris, donc toutes ces métriques, moi, je n'ai pas loupé cette affirmation de Macron. Donc c'est vraiment typiquement des choses qui se partagent entre collègues et qui nous permettent généralement d'avoir de vives réactions. Sur la question du classement de Shanghai, j'ai envie de dire, à partir du moment où on essaye d'utiliser des métriques particulières pour pouvoir jauger les universités entre elles, alors que nos deux autres intervenants ici à cette table ont délimité très vite les limites de telles comparaisons si on ne les rapporte pas au PIB qui est injecté pour pouvoir arriver à tel ou tel résultat, au système de publication qui a des biais énormes et des soucis justement inhérents. On arrive très très rapidement à avoir un classement qui obsède la plupart des politiciens sans véritablement avoir, à mon avis, des conséquences sur les valeurs qu'on veut injecter dans l'université et dans notre société, tout autant que des moyens qu'on veut injecter pour pouvoir assurer l'éducation qui, à mon avis, devrait être un droit inaliénable, en tout cas en France. Bien sûr, mais je pense que ce que disait Cécile tout à l'heure, Pierre, est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on demande concrètement en premier chef à l'université. Pierre, vous disiez quelque chose qui est assez juste, puisqu'on entendait tout à l'heure dans la déclaration du chef de l'État la question de la concurrence à l'international, de la concurrence entre les grandes universités, d'être en France finalement le fleuron, de former finalement les grands esprits, les grands scientifiques de demain. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas aussi effectivement une forme de confusion initiale sur ce rôle que doit remplir l'université française, à savoir ce que définissait tout à l'heure Philippe Pajot, qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire finalement de l'éducation pour tous, pour toutes et gratuitement, ou au contraire finalement une université peut-être plus élitiste qui a pour ambition d'être en concurrence finalement avec d'autres modèles éducatifs qui sont radicalement différents, quand on pense évidemment à toutes les premières places qui sont prises par les universités essentiellement américaines et quelques-unes britanniques. Oui, je pense que de toute façon, ces deux grilles de lecture, elles sont valables à commencer par le fait qu'elles sont effectives toutes les deux. Il y a en effet des équipes de recherche, des équipes des universités qui se font la compétition pour obtenir des financements, pour obtenir des publications prestigieuses, pour obtenir des prix Nobel, etc. Donc oui, il y a de la compétition, tout en parallèle de collaboration qui, si elle n'existait pas à l'heure actuelle à l'échelle mondiale, ne permettrait pas de faire des avancées en recherche ou des avancées en termes de découverte. Donc ces deux écosystèmes, j'ai envie de dire, ils existent. C'est pas la peine de les nier en disant ma solution est meilleure que l'autre. L'idée, c'est comment les faire cohabiter dans une université qui fonctionne et surtout comment s'assurer qu'on ne délaisse pas l'un par rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui a fait réagir aussi assez vivement suite à ces déclarations, c'est qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces deux dernières années suite à la crise du Covid, de la précarité financière grandissante chez les étudiants. On a vu beaucoup de sujets, de reportages sur des étudiants qui ont besoin d'avoir recours à l'aide alimentaire pour pouvoir se nourrir. Et quand on entend le président de la République qui déplore que l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants et qu'un tiers des étudiants sont boursiers, on se dit que là, il y a peut-être quelque chose, en tout cas sur l'aspect social finalement de la vie et du niveau de vie des étudiants, qui pose problème ou qui pose question, Cécile Lestienne. Clairement, ouais, clairement. Oh, Pierre d'abord, ouais, allez-y. J'avais juste une petite remarque à faire sur ce sujet, c'est que, bien évidemment, ici, le réflexe de notre président, c'est de s'adresser nécessairement à ceux qui ont le moins de ressources pour se plaindre de leur situation. C'est le plus grand nombre, le plus démuni, et qui vont avoir la moindre possibilité de se plaindre de l'augmentation de ces coûts-là. Mais moi, je peux vous faire un parallèle parallèle qui est assez édifiant, c'est que au même moment où Emmanuel Macron vise justement la rémunération, enfin pardon, le coût d'inscription des universités, on peut déplorer au même moment le fait que l'université dépense des sommes astronomiques dans dans la publication universitaire, donc ce système de publication par peer review en donnant de l'argent à des éditeurs qui ensuite revendent les publications, alors qu'on pourrait faire toutes les économies qu'on pourrait faire pour combattre ce système-là, qui nous permettrait d'être d'ailleurs un fer de lance dans ce combat à l'échelle internationale, permettrait éventuellement de couvrir le coût d'inscription des étudiants. C'est peut-être pas les mêmes enveloppes, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur, Pierre. Alors on serait surpris, justement. Ah bon, j'ai vu que ouais c'est quand même assez colossal. J'imagine bien que ça peut pas couvrir un pour un ce genre de choses, mais on ferait des économies assez drastiques. En tout cas, je pense que de cibler immédiatement les étudiants et le coût d'inscription des étudiants n'est pas la solution. C'est une manière en fait de se rallier très très rapidement à une solution simpliste sans véritablement avoir une vue complexe du phénomène. Cécile. Oui, alors moi je ne sais pas si j'ai bien compris la pensée complexe de notre président. Je ne me targuerai pas de pouvoir rentrer dedans, mais je ne sais pas si ce qu'il voulait dire était aussi simple que ça, justement, par ailleurs. Enfin, je serais, sur le plan personnel, assez attachée à cette gratuité que je trouve formidable. En même temps, est-ce qu'il a dit qu'il fallait augmenter le prix d'entrée pour tous les étudiants, ou est-ce que c'était en fonction de leurs revenus, ou est-ce qu'il faut revoir le système de bourse, comme c'est comme ça que marche l'université américaine, avec aussi beaucoup de bourses, voilà, pour que leurs universités ne soient pas uniquement faites de milliardaires californiens. Donc je dis pas que le système américain est enviable, ce n'est pas non plus ce que je dis, cette question-là est complexe, et je pense franchement qu'effectivement c'est pas juste cette question-là qui va résoudre le problème en entier. Ça, je vois pas du tout. Un mot peut-être, puisque je parlais tout à l'heure du classement de Shanghai, donc Paris-Saclay 13e place, Sorbonne Université 35, Paris Sciences et Lettres 38, Philippe Pajot, on voit qu'il y a en tout cas quelque chose qui semble avoir fonctionné dans la politique de modification du système universitaire ces dernières années, c'est le regroupement des universités en grands pôles universitaires, puisque on voit les universités et ces grands pôles universitaires apparaître. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'au classement de Shanghai, la première université française était derrière la 50e place. Donc, il y a eu un mouvement qui semble, en tout cas, à l'échelle internationale, encore une fois, je ne juge pas de savoir si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, qui fait remonter ces universités françaises dans le classement. Alors, ça paraît quand même un peu factice, hein, puisque plus on met d'universités ensemble avec des critères, avec des prix Nobel, etc., plus les gens vont monter dans le classement. Donc, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de dire les universités sont vraiment meilleures que ça, enfin en tout cas que ces regroupements soient comme ça. D'autant plus que ça a surtout de l'intérêt pour l'attractivité internationale. Et de ce point de vue, c'est réussi, puisque effectivement, ces grosses universités qui réussissent bien au classement de Shanghai, vous citiez Paris-Saclay qui est première en maths, c'est quand même première en maths au monde, quand même un super résultat. Attire des étudiants d'un peu partout dans le monde. Cécile et Pierre, pour finir. Juste pour revenir, faut pas oublier quand même que dans le système d'enseignement secondaire, il y a ces grandes écoles dont on a un petit peu parlé au départ, qui sont un système aussi très complexe, avec certaines qui sont payantes très cher, d'autres qui sont gratuites, voire d'autres qui payent leurs élèves, comme Polytechnique et Normal Sup, hein, qui c'est pas n'importe quoi. Donc moyennant. Bien sûr, évidemment. Je veux pas faire preuve de simplisme non plus, mais voilà, pour dire que du coup, effectivement, ça brouille beaucoup les pistes d'organisation, hein. Enfin, en tout cas, pour nous, je pensais, et que la solution, à nouveau, ne peut pas être simple et ne peut pas faire abstraction de l'un ou de l'autre. Parce que, par ailleurs, il semblerait que dans la déclaration de notre président, il était dit qu'il voulait effectivement favoriser la puissance et la montée des universités françaises. Et moi, j'ai entendu, du coup, quelques propos dans des instituts de recherche qui sont pas du tout liés à l'université. Donc voilà, des chercheurs qui ne sont pas enseignants et qui ont dit « Ah mais non, il y a que nous qui comptons ». C'est pas si simple. Pierre Kerner. Les privilèges acquis. Voilà. C'est certain. Pierre Kerner, pour conclure. Oh, j'avais juste une petite remarque. Si on faisait une université française, genre juste l'université de France, on n'aurait plus de problème sur le clairement à tous les classements. En voilà une idée. Merci. Allez, Pierre Kerner, prochain ministre de l'ESR en exclusivité en méthode scientifique. Allez, on passe à notre dossier du jour. Look here, girls. Take this advice and remember always in life. Into each heart, some tears must fall. Though you love and lose, you must stand tall. 'Cause we all got to cry sometimes. I say sigh sometimes. Pull yourself together. No use crying forever, 'cause there's too many fishes to see. Too many fishes to see. I say there's short. Fish in the Sea de The Marvelettes à 16h30 sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque eh bien le premier dossier de ce vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche a été sobrement intitulé Par vos soins, Pierre Kerner, comment les poissons volants s'envoient en l'air. Mais comme souvent, Pierre, il faut bien le dire, les promesses que vous laissez miroiter vont être brutalement déçues, puisqu'il est question de la modification de la forme des nageoires volantes en termes d'évolution du développement et pas d'autre chose. Je parlerai quand même de sexualité des poissons, ne vous inquiétez J'espère pas. J'espère bien, merci beaucoup, on attend que ça, on vous laisse. Allez-y Pierre, racontez-nous cette histoire d'ailes de poissons volants. Pas de problème, petite digression pour commencer, à la péremptoire affirmation, il y a des patrons de gauche, Michel Audiard dans le film Le Président faisait répliquer Jean Gabin d'un Tony Truant, il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Alors certes, il est rare qu'hors de l'eau, un poisson fasse bonne figure, en témoigne l'allure pataud des gobies ou des dipneuses, vous savez, c'est des poissons avec des sortes de pattes qui s'aventurent parfois à la surface. Mais l'évolution a doté quelques rares espèces d'une capacité à planer élégamment au-dessus de la surface des océans, notamment à l'aide d'impressionnantes nageoires pectorales surdimensionnées. Comme je l'indiquais d'ailleurs dans la récente émission 461 de Podcast Science, le terme « poisson volant » est abusif, car il ne s'agit que de vol plané et non de vol battu. Aujourd'hui, c'est la famille des exocets, comprenant près de 70 espèces, qui forment l'essentiel de ces poissons, qu'on va dire des poissons planants, quoi. C'est bien aussi, ça peut avoir une autre... Et alors ce qui est intéressant, Pierre, c'est que vous vous êtes intéressé justement à la façon dont l'évolution a façonné ces nageoires slash ailes, même si elles ne battent pas. Et finalement, c'est l'affaire de très très peu de choses. Tout à fait. Et pour comprendre d'abord, il faut savoir au fait qui sont les suspects usuels, qui sont les espèces de poissons volants. Et en fait, il y a pas que les exocets qui sont des poissons qui ont acquis la capacité de planer dans l'atmosphère. En témoigne, il y a quelques espèces de proches cousins des exocets qui sont appelés les hémiramphidés. On les appelle les half-beaks en anglais. Les hémiramphidés sont des poissons aux faciès troublants parce que, en fait, ils ont une mâchoire inférieure surdéveloppée par rapport à la supérieure, d'où l'étymologie d'ailleurs de leur famille qui signifie demi-bec. Et bien, ils sont moins impressionnants que les exocets niveau vol plané, mais ils sont aussi capables d'échapper à leurs prédateurs avec des acrobaties aéronautiques, encore une fois, grâce à leur longue nageoire pectorale. On peut aussi citer une espèce fossile de poisson planant, Potanictis xigiensis, qui vivait au Trias il y a près de 235 à 242 millions d'années. Donc ça veut dire bien avant les premières espèces d'animaux pratiquant le vol battu, donc avant les oiseaux, avant les chauves-souris, même avant les ptérodactyles, et bien entendu avant l'apparition du groupe des exocets il y a 66 millions d'années. Donc, Oui, je vous en prie, vous dites exocètes, moi je disais exocètes. Bon, je ne sais pas, c'est une affaire de prononciation, peu importe. Je vous laisse poursuivre, Pierre, c'était possible. Si vous voulez, je vous laisse vous en sortir, allez-y. Donc en fait, si on voit plusieurs espèces de poissons qui sont capables de planer, ça veut dire que ces exemples relèvent du phénomène de la convergence évolutive, c'est-à-dire l'acquisition indépendante de certaines caractéristiques, donc ici c'est l'aquaplaning, hein, par des groupes distincts d'espèces au cours de l'évolution. Mais la question, donc, c'est comment l'évolution a doté ces différentes espèces de poissons de ces nageoires adaptées au vol plané, qui, comme vous l'avez dit, ressemblent un peu à des ailes, en tout cas des voiles permettant de planer. Et c'est justement la question qui taraudait plusieurs équipes américo-canadiennes qui ont récemment publié le résultat de leurs études dans la revue Current Biology. Et donc, ce qui a intéressé ces chercheurs, c'est de comprendre l'évolution des nageoires permettant le vol plané. Et en effet, il y a une petite subtilité à avoir, c'est qu'il y a un type de morphologie particulière chez la majorité des poissons volants. Les paires de nageoires pectorales et pelviennes sont démesurément allongées. La nageoire caudale, elle comporte une sorte de partie inférieure renflée qui aide à la propulsion hors de l'eau, alors que les autres nageoires, donc les dorsales, les ventrales, par contre, elles ont une taille classique. Donc c'est ça la silhouette typique d'un poisson volant, nageoire pectorale et pelvienne, et la partie renflée inférieure de la nageoire caudale, et les autres sont normales, de dimension normale. Donc en biologie évolutive, hein, pour ferrer un bon poisson, si vous me permettez l'expression, on aime commencer par identifier les gènes responsables des différences morphologiques. Pour cela, les chercheurs ont eu recours à deux approches expérimentales complètement différentes, la comparaison génomique et l'étude de poissons mutants. Donc pour la première stratégie, on s'intéresse à l'ensemble des gènes qui ont subi des transformations au cours de l'évolution des poissons volants, en les comparant avec ceux des poissons, des poissons nageants, quoi, des poissons normaux. L'idéal serait de pouvoir comparer le génome complet de toutes les espèces de poissons, mais ce serait un projet de séquençage massif, coûteux, générant d'ailleurs une telle quantité de données qu'on ne saurait pas facilement y pêcher les informations pertinentes. Donc, nos chercheurs ont privilégié une autre technique, moins exhaustive mais plus pratique à mettre en place, qu'on appelle la capture de séquences cibles. Concrètement, les chercheurs présélectionnent des régions d'ADN susceptibles d'être similaires entre ces différentes espèces de poissons, puis ils les isolent, ils les lisent et comparent ces fragments pour révéler d'éventuelles petite différence entre ces fragments. Alors, sans être exhaustif, c'est quand même une méthode qui leur permet de comparer près de 300 000 régions génomiques entre tous ces poissons. Et notamment, cela a permis aux chercheurs de repérer les régions génomiques qui avaient accumulé le plus de changements chez les poissons volants. Il s'est avéré que les gènes concernés, plusieurs centaines, pouvaient avoir des fonctions très diverses et pas seulement associées à la morphologie. Donc certes, ils ont trouvé des gènes qui jouent un rôle dans la construction des nageoires et de leurs muscles, ça paraît évident, mais ils ont aussi trouvé des gènes impliqués dans la gestion de l'équilibre, contrôlé par le système vestibulaire, ou encore dans des fonctions cérébrales, notamment le développement d'une région du cerveau qu'on appelle le locus ceruleus, une région qui est associée avec la gestion de la peur et de l'anxiété. Donc pour ces chercheurs, cette dernière découverte, qui peut surprendre au demeurant, d'abord incongrue, en fait elle renforce le scénario évolutif que l'acquisition du vol plané chez ces poissons a été faite en réponse à de la prédation. Et du coup, Pierre, en quelques mots, puisqu'il nous reste pas énormément de temps, l'idée, c'est effectivement de pouvoir s'échapper de la prédation en sortant littéralement de l'eau. Et ça a été confirmé, il a été confirmé l'importance de deux gènes vraiment très très localisés en faisant des expériences et en poussant, en provoquant l'évolution chez le poisson zèbre. Tout à fait. Alors voilà, c'est le mot a été lâché. En effet, idéalement, il aurait fallu casser des gènes chez les poissons volants pour pouvoir comprendre comment ces gènes peuvent influencer sur la taille de leurs nageoires. Mais ce n'est pas possible. Hein. Vous imaginez bien que c'est difficile de maintenir un élevage de poissons volants dans des laboratoires. Donc, l'équipe a dû se rabattre sur un poisson d'eau douce qu'on trouve souvent dans les laboratoires et chez de nombreux aquariophiles, le petit poisson zèbre d'Agno Rerio. Et notamment à deux lignées mutantes, une qui est surnommée NR21 et qui donne des poissons dont toutes les nageoires sont rabougries, et une autre qui a été surnommée longue fine, longue nageoire en anglais, et qui est caractérisée par un ensemble de nageoires aux proportions extravagantes. Alors du coup, je vous avais promis une partie de nageoire en l'air dans cette chronique. Elle est là pour voir s'il n'y avait pas, pressentant qu'il pouvait y avoir une anguille sous roche. Les équipes ont tout simplement croisé ces deux lignées, NR21 avec longue fine. Et à leur grand étonnement et satisfaction, ils ont obtenu des hybrides, dont seulement les nageoires pectorales et la nageoire caudale sont hypertrophiées. Et ça, si vous avez bien suivi le début de ma chronique, c'est exactement la silhouette d'un poisson volant. Donc ces mutations récapitulaient la forme d'un poisson volant. Merci beaucoup Pierre, on en saura plus et vous pouvez retrouver cette chronique, on va mettre le lien de votre chronique sur notre fil Twitter comme chaque jour qui renvoie sur votre site. Je sais que j'ai été obligé de vous contraindre un peu, donc pour avoir la chronique dans son intégralité, rendez-vous sur notre fil Twitter @lamethodefc. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Lorsque notre système immunitaire n'arrive plus à faire la différence entre le soi et le non-soi, cela donne lieu à une maladie que l'on appelle auto-immune. Des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques. Et il s'avère, Cécile Lestienne, que face à ces maladies, il y a une très forte inégalité, puisque les femmes sont 4 fois plus touchées que les hommes par ce type de pathologie. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, c'est une question que se posent les chercheurs depuis pas si longtemps par ailleurs, même s'ils savent depuis longtemps que pour certaines de ces maladies, les femmes sont plus touchées que les autres. Hein. Les maladies auto-immunes, c'est environ 5 à 8% de la population, 5% en France, selon les estimations. Ça fait quand même plus de 3 millions hein, de personnes touchées, dont presque 2,5 millions de femmes, puisque c'est 78% de ces malades sont des femmes. Et c'est la question qu'elles essayent de répondre les chercheurs aujourd'hui. Bon, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une maladie auto-immune pour que je puisse donner les arguments derrière, qui ont été rassemblés là, dans ce dernier numéro de Pour la science par notre consoeur Melinda Venner-Meyer. Le système immunitaire est très complexe. Il est fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est évidemment fait pour lutter contre les agresseurs étrangers, virus, microbes et plein de choses d'autres. Mais il est aussi fait une partie de ce système immunitaire est dédiée à la lutte interne. Il faut pas jamais oublier ça. Parce qu'il est fait pour se retourner contre nos propres organismes, pour les cancers, par exemple, évidemment, mais aussi pour éliminer certains résidus de blessures, par exemple. Et puis, ce qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, le système immunitaire, une partie du système immunitaire est fait pour lutter contre le système immunitaire lui-même. Parce que quand on a une infection, le système immunitaire s'emballe, évidemment, pour réagir contre les agresseurs. Mais après, il faut bien le faire revenir à un niveau plus normal. Et c'est le système immunitaire, justement, qui s'en charge. Voilà. Et d'où on comprend bien, c'est une question d'équilibre, en fait, derrière, encore une fois. Et donc, les maladies auto-immunes, c'est un dérèglement de cet équilibre. Alors, si on se demande pourquoi il n'y a pas quelque chose derrière sur le fait que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, vers où sont allés chercher les chercheurs, évidemment sur les caractéristiques féminines, les hormones sexuelles, le chromosome X, et puis là, on parle aussi du microbiote. C'est une toute dernière piste. Voilà. Microbiote intestinal. Intestinal. En intestinal, voilà. Alors peut-être qu'on va on va prendre les trois ces trois catégories une par une. Parce que la première, c'est évidemment le rôle des hormones sexuelles, les œstrogènes, la progestérone, mais aussi un peu la testostérone. Absolument. En fait, d'abord, on s'est aperçu que certaines de ces maladies apparaissaient pas n'importe quand chez les femmes. Par exemple, le lupus, la sclérose en plaques, ça apparaît plutôt pendant la période de procréation. La polyarthrite rhumatoïde, c'est plutôt après la ménopause. Donc voilà. Donc si on vous dit puberté, grossesse, ménopause, évidemment, on pense à hormones sexuelles et notamment celles qui concernent les femmes, les estrogènes et la progestérone et la testostérone, puisque les femmes produisent de la testostérone, mais en moindre quantité que les hommes. Alors, les deux premières, on s'est aperçu qu'elles avaient en tout cas, elles ont un rôle sur le système immunitaire, d'où la possibilité de dérèglement. Donc, voilà. Et notamment, les estrogènes jouent un rôle sur l'expression des gènes qui activent la production d'interférons gamma, dont on a beaucoup parlé avec le Covid, puisque c'est une sorte de chef d'orchestre de la réponse immunitaire quand on est infecté par un virus. Voilà. La progestérone aurait un rôle sur certains cellules du système immunitaire, comme les lymphocytes et les macrophages. Et la testostérone, ça marcherait un peu dans l'autre sens, parce que la testostérone se lierait à certains récepteurs des lymphocytes B. Voilà. Mais là, elle a un rôle plutôt immunosuppressif. Oui. Voilà. Elle diminue la réponse immunitaire. Ce qui expliquerait peut-être l'inverse, c'est-à-dire pourquoi les hommes sont moins atteints que les femmes. Maladie auto-immune. Et d'ailleurs, on peut, une petite idée le dit, c'est que les hommes, par exemple, qui sont atteints aussi de sclérose en plaques, ont en général un taux de testostérone plus faible que leurs compatriotes. Voilà. Et aussi, les risques d'un taux de testostérone faible est associé à l'apparition du lupus ou de la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est un signe. Ça, c'est pour les hormones. Il y a des questions autour du chromosome X, Cécile. Oui, alors, à nouveau, un tout petit cours. Notre ADN est réparti sur 23 paires de chromosomes dans l'espèce humaine, dont les chromosomes sexuels, XX chez les femmes et XY chez les hommes. Alors, comme les femmes ont un chromosome X en double, même si l'un vient de leur père, l'un de leur mère, ça fait quand même... Voilà, un des chromosomes est inactivé, parce que sinon il y aurait un risque de surproduction de protéines liées aux gènes portés par le chromosome X, qui par ailleurs est en plus très gros, beaucoup plus gros que le chromosome Y. Et c'est là-dessus qu'on se dit qu'il pourrait y avoir un rôle, parce que on a longtemps pensé que donc un des deux chromosomes X était totalement inactivé, et puis on s'est aperçu récemment qu'en fait 15% des gènes du chromosome dit inactivé, en fait fonctionnaient, et il y a en plus sur ce chromosome X des gènes qui sont liés au système immunitaire, et toujours pareil, notamment cette production d'anticorps et d'activation des cellules immunitaires. Et on le voit aussi parce que on le voit à travers les individus qui ont un nombre anormal de chromosomes. Il y a des hommes qui ont le syndrome de Klinefelter, qui sont XXY. Et eux, ils ont 14 fois plus de risque d'avoir un lupus qu'un homme qui est juste XY. Voilà. Et les femmes qui ont 3 chromosomes X, ça arrive aussi parfois, ont elles aussi un risque beaucoup plus grand de développer certaines maladies auto-immunes. Ce qui est intéressant, Cécile, c'est que quand on regarde en fait tous ces paramètres, on se dit qu'il y a une hypothèse globale pour expliquer finalement cette surreprésentation des maladies auto-immunes chez la femme. Ce serait lié finalement à la compensation de la grossesse. Oui, en tout cas, c'est l'hypothèse que proposent plusieurs chercheurs ces derniers temps. Ce serait l'idée que cette fragilité face aux maladies auto-immunes était liée au fait que les femmes portaient les enfants. Or, porter un enfant, c'est pour le système immunitaire compliqué, puisque un enfant est un étranger. Le placenta est étranger à la mère. Même s'il a la moitié de ses gènes, il n'en a que la moitié. Et donc, c'est de la famille, mais c'est quand même un étranger. Et donc, il semblerait que cette capacité d'inactivation plus ou moins forte, par exemple, du chromosome X. Le fait que certains gènes liés au système immunitaire sont portés par le chromosome X toujours. Le fait que le rôle des hormones joue aussi, évidemment, tout au long de la vie de la femme, ça permettrait à l'organisme de s'adapter en douceur, justement, en tout cas pas en douceur, avec souplesse, à l'accueil du fœtus. Et pour conclure, c'est parce que il y a une théorie selon laquelle le fait que les femmes aujourd'hui fassent un peu moins d'enfants pourrait être l'une des explications justement à la moins forte régulation justement de ces niveaux d'immunité. En fait, on observe ces derniers temps une augmentation des maladies auto-immunes. Voilà. Alors, il y a plusieurs pistes derrière cette augmentation, aussi chez les hommes. Hein, donc, c'est pas du tout que cette histoire-là. Mais une des hypothèses serait que les femmes, aujourd'hui, ont beaucoup moins d'enfants qu'avant. On ne va pas non plus le regretter. Mais donc, leur système immunitaire est moins souvent bridé qu'autrefois. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il est bridé pendant toute la grossesse pour pouvoir tolérer le corps étranger du fœtus. Et comme certaines de ces maladies immunitaires ont des regains après la grossesse, on se dit que c'est peut-être pour ça qu'on observe cette augmentation chez les femmes. Et pour en savoir plus, c'est dans le dossier de Pour la Science de ce mois de janvier. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour finir, on va plonger ensemble au cœur des étoiles. Une discipline qui s'appelle l'astérosismologie permet d'étudier l'intérieur de ces astres en s'intéressant aux vibrations qui sont détectables en surface, et bien pour en déduire ce qu'il se passe au centre, Philippe. Oui, alors c'est effectivement une discipline qui a quelques années, et on a commencé évidemment avec le Soleil. Et pour comprendre ce qui se passe, peut-être commencer avec savoir ce que c'est qu'une étoile. L'étoile, c'est en gros une boule, une sphère de gaz chaud. Et elle brille non pas en raison des réactions nucléaires, mais parce qu'elle est chaude. En revanche, elle se maintient en raison des réactions nucléaires. Donc, prenons cette image très simple d'une sphère de gaz chaude. Vous pouvez imaginer donc Capitaine Haddock dans Tintin qui a son whisky qui devient sphérique lorsqu'il est en pesanteur microgravité. Si cette sphère de liquide vous la perturbez un petit peu, elle va se mettre à vibrer. Elle va revenir effectivement avec des oscillations qui vont dépendre de la nature. Alors pour la sphère de whisky ou une bulle dans la station spatiale, c'est assez simple. C'est assez simple. Et du coup, on essaie d'appliquer la même chose aux étoiles. Alors c'est un peu le même principe que la Terre. Vous savez que la Terre vibre également. Il y a des micro-séismes en permanence au niveau de la Terre. Et c'est parfois des gros tremblements de terre. Et évidemment, en analysant toutes ces vibrations, tous ces signaux, on en déduit ce qui se passe à l'intérieur, la structure de la Terre. Alors, on a commencé à faire ça avec l'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil, évidemment. Est-ce qu'il vibre ? On a commencé à se poser la question. Alors, il y a des raisons théoriques pour lesquelles il pourrait vibrer, c'est qu'il y a des mouvements turbulents à l'intérieur, c'est une sphère de gaz mais qui est pas tout à fait calme, il y a la réaction nucléaire à l'intérieur, et puis il y a des mouvements convectifs, et donc on s'est demandé si on pouvait détecter ces vibrations. Alors en fait, les premières idées datent des années 60, et c'est à peu près à la fin des années 70 qu'on a eu les premières données spatiales qui laissaient penser que le Soleil vibrait, et c'est dans les années 80, c'est deux astronomes français, Éric Fossa et Gérard Grec, deux astronomes niçois, qui sont allés poser un télescope au pôle sud, et qui ont surveillé le Soleil pendant plusieurs jours. Alors l'avantage évidemment c'est que au pôle sud c'était un moment où il faisait chaud tout le temps, donc ils avaient le soleil en permanence pendant plusieurs jours, et ils ont vu effectivement la signature précise de ces modes d'oscillation. Alors, on appelle ça des oscillations des modes de pression, parce que la force de rappel, c'est simplement la pression, un peu comme la bulle de whisky du capitaine Haddock. Et ça a culminé avec un satellite qui s'appelle SOHO, qui a été envoyé en 1995, et qui a analysé ces vibrations du Soleil, et qui en a déduit des choses sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme la sismicité sur Terre, la manière dont ça vibre, ça dit ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, la première découverte, c'était que la période interne de rotation du Soleil était très différente de ce qu'on voyait en surface. En surface, on voit le Soleil tourner, effectivement, en un mois, et à l'intérieur, ça va quatre fois plus vite. C'est plutôt une semaine de rotation, donc c'était quand même un premier résultat assez étonnant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la discipline, ce qui est l'héliosismologie, donc, d'accord, sur le Soleil. Mm-hmm. Donc, après, on peut se poser la même question sur les étoiles, parce que le Soleil, c'est facile, c'est à côté. Est-ce qu'on va voir les choses sur les étoiles? C'est beaucoup plus loin. Les vibrations sont très très faibles. Hein, c'est de l'ordre du millionième. Hein, les petits mouvements. D'accord, qu'on voit la surface. Voilà. Mmh. Et donc, est-ce qu'on allait pouvoir observer ça? Et on s'est dit oui, mais à condition d'observer longtemps. Donc, pour l'anecdote, c'est le 10 mai 1981. Date politique s'il en fameuse, s'il en voilà, qu'il y a une réunion d'un groupe d'astronomes à Meudon autour de François Pradry, qui a émis les premières idées pour analyser justement ces oscillations des étoiles. Premier colloque en 1984 qui aboutit à un satellite qui s'appelle Corot. Mm-hmm. Et comme je vous l'ai dit, il faut qu'on observe longtemps et ils ont déduit qu'il fallait observer continuellement pendant 4 à 5 mois. Pour les étoiles, pour les soleils, c'est en quelques jours on le voit, pour les étoiles c'est plutôt 4 à 5 mois, donc c'est quand même nettement plus long. Corot lancé en 2006 donc. Voilà, alors Corot, donc le principe effectivement c'est... Corot, alors je... Donc, proposé en 93. Alors un truc intéressant sur Corot quand même, je reviens un tout petit peu sur la, c'est que il devait partir en 97, il a eu un peu de retard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 96, on s'est aperçu qu'il y avait du retard et on s'est dit ah ben on va changer un peu, on va améliorer d'abord l'instrument. Mmh. Et ensuite, il s'est passé quelque chose en 1995, si vous vous souvenez bien, c'est qu'on a découvert la première exoplanète. Absolument. Voilà. Michel Mayor et Didier Queloz, prix Nobel. Prix Nobel, exactement. Et du coup, ils se sont dit ben surveiller la luminosité des étoiles, qui permet d'en déduire des choses sur les oscillations. Ça permet aussi de détecter des exoplanètes. Bien sûr. Et donc, ils ont changé un petit peu. Alors, il a fallu revoir le design de Corot. Ils ont changé un petit peu le design et ils ont lancé Corot avec un double objectif, exoplanète et oscillation stellaire. Et donc, effectivement, lancé en 2006, il a détecté non seulement 34 exoplanètes, mais il a également vu les oscillations stellaires, ces modes pour la première fois. Et il y a d'autres satellites maintenant qu'on fait suite. Donc, il y en a, Corot, c'était un satellite français, mais il y a Kepler et TESS qui sont deux satellites américains qui ont été envoyés ensuite pour détecter les exoplanètes, mais on en profite évidemment pour faire de la sismologie. Donc, on a découvert plein d'exoplanètes, hein, mais aussi on a trouvé des oscillations pour des milliers d'étoiles. Alors il y a une chose très très importante, c'est que on a découvert que les étoiles, en fonction de leur masse, les oscillations étaient différentes, et en l'occurrence que du coup la structure est différente. Je vous ai dit, la structure du Soleil, en fait, les étoiles peu massives, il y a un cœur radiatif où il y a les réactions nucléaires et puis ensuite c'est turbulent, il y a un cœur convectif, enfin une enveloppe convective, et l'étoile massive c'est l'inverse. En fait, ça c'est effectivement des découvertes. C'est-à-dire que les oscillations montrent que la rotation est plus rapide à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, et que la structure est différente aussi. D'accord. Et voilà, la structure est différente. C'est-à-dire qu'en fait, l'enveloppe, le cœur est convectif et l'enveloppe est radiative. Donc c'est vraiment inversé. Et par ailleurs, effectivement, il y a aussi ce problème que, enfin, cette découverte qu'il y a des oscillations, des rotations tout à fait différentes. Rotations plus fortes dans les étoiles massives. Mm-hmm. Plus de mélange, ce qui veut dire plus de mélange, c'est-à-dire plus de combustible frais d'hydrogène. Vous savez que dans les étoiles, c'est essentiellement l'hydrogène qui brûle en hélium. Et donc ça veut dire que ces étoiles ont une durée de vie plus longue. Et le truc, un résultat extrêmement... Une durée de vie plus courte, les étoles massives. Oui, voilà. Massives, mais du coup, comme si vous avez plus de combustible, oui, elles ont une durée de vie plus longue par rapport à ce qu'on pensait auparavant. Oui, d'accord, ok, très bien. Voilà. Pardon. Et donc, en l'occurrence, du coup, ça fait 20% de on s'est aperçu que ces étoiles-là avaient 20% de combustible en plus que ce que prévoyaient les modèles d'évolution stellaire auparavant. Mmh. Voilà. Donc, Kepler est en train de continuer à observer toutes ces étoiles-là. Et du coup, il y a un nouveau satellite qui va être lancé qui s'appelle Plateau, qui est prévu pour 2026 et qui va, lui, observer ces nouvelles étoiles, qui va faire non seulement des découvertes d'exoplanètes, mais qui va faire de la magnéto-astéro-sismologie. D'accord, c'est-à-dire ajouter des observations électromagnétiques. L'influence du champ magnétique sur ces oscillations d'étoiles pour mieux comprendre ces étoiles massives. Eh bien, pour en savoir plus sur ces oscillations des étoiles, Philippe. Eh bien, c'est dans le dernier trimestre de la recherche, dont le dossier principal est lumière et matière, avec plein de physique quantique dedans, mais également des tas d'articles intéressants, dont celui de Connie Aerts et Caroline Heiner sur la sismologie stellaire. Super, à trouver dans toutes les bonnes librairies et marchands de journaux. À la une de Pour la Science, Cécile. Donc. Eh bien, les maladies auto-immunes, pourquoi le système immunitaire déraille, avec cet article sur la problématique des femmes qui sont plus touchées, mais aussi toute la nouvelle vision de ces maladies auto-immunitaires, dont on comprend un peu mieux les déclenchements. Et Pierre, donc, votre billet sur les ailes de poisson volant sur votre site, et quelles autres actualités ? Et je revois directement dessus sur une émission 461 de Podcast Science dans lequel je parle d'autres animaux planants, notamment des poulpes planants. Ça peut titiller votre curiosité. Et puis il va falloir réduire cette consommation de produits stupéfiants, Pierre, aussi. Hein. Merci beaucoup à tous les trois. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Bulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Félix Delacour aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr. C'est à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.